les chasseurs de nazis. Chapitre 1, naissance d'une vocation. Premier épisode. Au moment où débute cette enquête, Oscar Gröning est encore vivant. Il a 96 ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais Oscar Gröning, c'est l'ancien comptable d'Auschwitz. À ce titre, il a été condamné par un tribunal allemand en 2015 à 4 ans de prison. 4 ans de prison pour complicité dans le génocide de 300 000 juifs. Passons. Plus de 70 ans après la Shoah, une justice européenne juge donc encore des anciens nazis. Ou plutôt ce qu'il en reste. Pourquoi aussi tard? Pourquoi demander des comptes aujourd'hui aux comptables d'Auschwitz d'hier? Ces interrogations ont été suivies par d'autres. Que s'est-il passé entre le procès de Nuremberg de 1945, qui a envoyé à la potence 24 des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, et le procès symbolique de ce vieillard il y a 3 ans? Que sont devenus les criminels nazis après la défaite? Où se sont-ils enfuis? Qui les a protégés? Pourquoi faire? Bien sûr, l'histoire est connue dans ses grands traits. Certains ont trouvé refuge en Argentine, d'autres ont trouvé un employeur à Langley, au siège de la CIA. Certes, Adolf Eichmann a été enlevé en 1960 par les services secrets israéliens et pendu l'année suivante. Mais les autres, ont-ils été cherchés, traqués, exécutés? Pour répondre à ces questions, direction le 8e arrondissement de Paris, un bureau encombré de livres et de photos. Ce bureau, c'est celui de Serge Klarsfeld. À 82 ans, l'avocat, qui est aussi historien et écrivain, avec son épouse Beate, a beaucoup œuvré pour trouver et conduire devant la justice, notamment les Barbie, Papon, Bousquet et Touvier. C'est donc avec lui que tout naturellement débute ce récit. Je vous ai dit que je fabriquais une grande série qui a démarré à la lecture de ce passage. Disons-le haut et fort, la chasse aux criminels de guerre nazis est un mythe. Je voudrais recommencer parce que de guerre... Disons-le haut et fort, la chasse aux criminels nazis est un mythe. N'en déplaise aux journalistes, aux écrivains et aux cinéastes, il est faux d'affirmer que ces criminels ont été activement recherchés. Il faut savoir regarder la vérité en face et séparer lucidement la fiction de la réalité, aussi triste et décevante soit-elle. Seule la trop brève période de coopération entre l'Est et l'Ouest de 45 à 47 donna lieu à une chasse digne de ce nom. La chasse digne de ce nom dont parle Serge Klarsfeld aboutit notamment au procès de Nuremberg entre 1945 et 1946. Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter justement sur cette précision que vous apportez ? Serge Klarsfeld, vous n'avez pas traqué des criminels de guerre nazis, parce que Auschwitz n'était pas un champ de bataille, c'était un camp de concentration et d'extermination. Il n'y avait pas deux armées, donc ce n'est pas des crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité dans un contexte de guerre. Et les excuses de tous les dignitaires avant d'être pendus ou pas pendus, c'était la guerre et j'étais soldat. Donc cette précision est quand même au cœur de votre vie. Tout à fait, bah, je l'ai apporté, donc... Il me faut une autre question maintenant. Serge Klarsfeld croit-il au destin, ou alors au hasard? Dans les volumineuses mémoires écrites à quatre mains avec sa femme Beate, voici le moment de leur rencontre. Un jour de mai, comme à l'accoutumée, j'attends le métro à 13h15 à la station Porte de Saint-Cloud. Je sens sur moi un regard insistant. Je lève les yeux. Un jeune homme aux cheveux noirs, en complet prince de Galles, un porte-document à la main, me demande « Êtes-vous anglaise ?» C'est un piège, bien entendu. Il m'avouera plus tard qu'une Allemande répond toujours non, lorsqu'on lui pose cette question. Ensuite, il est trop tard pour se taire. À Sèvres-Babylone, il s'en va vers Sciences Po, mon numéro de téléphone en poche. 3 jours plus tard, il m'appelle, pour mon plus grand bonheur. Nous allons voir Jamais le dimanche, dans un cinéma de la rue du Colisée. 11 mai 1960, au moment où le Mossad enlève Eichmann, vous rencontrez Béat. Le même jour. Nous sommes rencontrés sur le quai du métro. Et le même jour, j'allais à ma première réunion franco-allemande, qui était une réunion des bourses Elidja. Le hasard fait bien les choses, donc... C'est sur là que ça a commencé, mais on n'était pas du tout impliqués à l'époque, ni Béat, ni moi. Il y a tellement d'hasard dans la vie, ou alors le maire qui nous marie en 63 en disant « vous êtes un couple extraordinaire, à l'époque il n'y avait pas tellement de français allemands, faites quelque chose de spécial de votre mariage », ou une voyante qui disait à Serge, parce qu'il y avait quand même quelques... peu d'opposition que Serge sort et veut épouser une Allemande, et c'est elle qui dit à Serge, mais c'est la seule femme qui peut vous rendre heureux dans la vie. Il y a beaucoup de choses du hasard, et puis donc, quand je suis arrivée en 60 à Paris, fille au père, bien entendu, je ne pouvais pas imaginer que ça m'arriverait un jour, voilà. Pour nous, ce combat était un combat où... On était impliqués totalement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas échouer, donc on était obligé d'aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il fallait s'engager véritablement. Et nous nous sommes engagés sur la résolution du problème qu'il y avait entre la France et l'Allemagne. Les seuls criminels au monde qui étaient assurés d'une totale impunité étaient les criminels nazis qui avaient opéré en France. Il ne pouvait pas être extradé vers la France parce que la France avait approuvé la loi fondamentale allemande qui lui tient lieu de constitution. L'article 16 de la loi fondamentale dit pas d'extradition des citoyens allemands. Lorsque la France a vu le général Lamerding créer une entreprise de transport et les camions... Lamerding sillonnait l'Allemagne avec Lamerding sur le côté, le général Lamerding étant le responsable numéro un de la tuerie de Radour-sur-Glane, la France a demandé son extradition. L'Allemagne a répondu, nous ne pouvons pas l'extrader, vous avez approuvé la loi fondamentale, etc. Alors la France a dit, jugez-le. Et l'Allemagne a dit, en 1954... lorsqu'il y a eu les protocoles des accords de Paris, vous avez exigé de nous que nous ne soyons pas compétents sur les affaires qui ne sont pas classées en France. Or, le général Lamerding a été condamné par contumace en France. Les affaires de contumace sont des affaires non classées. Nous ne pouvons pas le juger. Et c'était le cas de presque tous les grands criminels qui avaient opéré en France. Ils avaient été condamnés en France par contumace parce qu'on ne les avait pas retrouvés. Et la France a dit au chancelier, à l'époque c'était Adenauer, signons une nouvelle convention qui permettra à l'Allemagne de recouvrer sa souveraineté sur des citoyens allemands et qui permettra de les juger. Et chanceliers chrétiens-démocrates, Adenauer, Erhard, Kissinger, n'ont pas voulu signer cette convention. Et Willy Brandt, le 2 février 71, à Paris, a signé la convention. Béat l'a rencontré, lui a demandé... Il a dit qu'il allait essayer de la faire ratifier au Parlement. Il s'est avéré que le Parlement ne ratifierait pas cette convention. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'est mis en marche pour pouvoir faire juger les criminels, parce que c'était une masse de criminels qui étaient impunis. On a retrouvé les plus importants d'entre eux, qui étaient Kurt Lischka, Herbert Hagen. C'était vraiment des très grands criminels. Hagen avait formé Eichmann, avait formé Wislicheny et d'autres, Brunner. Lischka avait été le chef du service anti-juif de la Gestapo du Reich, avait opéré les premières arrestations massives de juifs après la nuit de Cristal. Donc, des grands criminels qui avaient été extrêmement actifs en France dans la question juive. Alors, notre méthode a été d'agir illégalement de façon à pouvoir assumer nos responsabilités, mais en même temps montrer que derrière le scandale de notre action illégale, il y avait le scandale beaucoup plus grand de l'impunité des criminels nazis. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.